fallait, pas, il fallait si que je le dise. Pas voilà. Public, c'est duo. Non, à la fois sur le dernier point, je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est-à-dire que je suis chercheur, j'ai dirigé un organisme de recherche, un établissement de recherche, et toutes ces expériences, ça m'indique que les institutions sont quand même quelque chose qui est important. Et si les institutions, les organes des différentes institutions avaient toujours bien fonctionné, dans certaines affaires passées, on n'en serait pas forcément là. Et donc c'est pour ça que je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Et je dis ça d'abord et puis ensuite je viens sur mon propos. Donc je vais peut-être rappeler d'abord quelques trucs dans la présentation que tu as faite, je ne me souviens plus pardon de ton nom, voilà. Johanna. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent en fait, de manière générale. C'est assez frappant de dire l'intégrité c'est au cœur d'eux et puis de parler tout de suite la fraude. Et presque l'intégrité c'est la fraude. Et en fait l'intégrité c'est pas la fraude. L'intégrité c'est un mot qui a une connotation positive et la fraude c'est un manquement extrême à l'intégrité, mais il y a des manquements par ailleurs qui sont moins extrêmes et qui sortent quand même de la pratique intègre. Et c'est la pratique intègre de quoi? C'est la pratique intègre de la démarche scientifique qui correspond effectivement à des modes de fonctionnement qui ont été élaborés en quelques centaines d'années, etc., enfin, qui correspondent fondamentalement à des modes de fonctionnement de l'esprit humain, mais qui ont été élaborés... moi, désolé, je viens des sciences inhumaines et asociales, mais donc je vais sans doute dire des âneries, mais voilà. Et donc, mais qui ont été élaborés, disons, sur des longues périodes, et à quoi ça sert? Et effectivement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment ces méthodes sont mises en cause? Tu as prononcé un petit peu le mot de post-vérité. C'est quelque chose qui est absolument, marquant de notre période où, d'où qu'on parle, somme toute, on a une parole et que toutes les paroles, à un moment donné, dans un espace public, ont tendance à se valoir. Et donc, il y a une importance particulière, notamment si on croit que les sciences, de manière générale, la science peut avoir un intérêt, et personnellement, je le crois, un intérêt pour aider à affronter les grands débats, les grands défis qui sont devant nous. Pour toutes les transitions environnementales et humaines qui sont devant nous maintenant qu'on n'a qu'une planète, qu'on sait qu'elle a des limites et que ce n'était pas le cas il y a quelques temps. Et donc, et par exemple, le président américain remet en cause des décisions politiques qui étaient difficiles à prendre, qui étaient presque en train d'être prises, et puis d'un seul coup, elles sont remises en cause et qui étaient basées sur, somme toute, quelque chose qui est intéressant comme démarche à travers le GIEC, qui est la manière... qui illustre assez bien la manière dont on construit ensemble une vérité scientifique. En tout cas, on arrive à faire ensemble, c'est-à-dire des centaines d'experts, on arrive à mettre d'un côté, pour les décideurs politiques, regardez, chers décideurs, et décideurs politiques, in fine, c'est chaque citoyen, regardez, dans la démocratie, regardez, chers décideurs, ça c'est une vérité, ça fait consensus, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Et effectivement, il y a quelques détails qui sont de plus en plus mineurs par rapport à ce consensus et sur lesquels bon, on peut continuer à débattre sur le rôle de telle pratique, de tel truc, etc. Donc il y a des points, si on fait telle transition, est-ce qu'on va monter à plus 4 degrés, plus 5 degrés, plus truc hein. Donc là-dessus, il y a du débat. Mais par contre, il y a déjà du consensus. Là-dessus, les gars, vous pouvez prendre des décisions. Les gars, les filles, vous pouvez prendre des décisions et elles ne sont pas faciles. Et puis d'un seul coup, vous avez un président qui arrive, non mais de toute façon, les chercheurs, attendez, quand on vous demande de parler de votre métier, désolé les gars, mais vous êtes en train, les filles, vous êtes en train vous êtes entre vous, et vous revendiquez ça, vous revendiquez le fait de travailler avec une évaluation par les pairs, vous n'êtes jamais d'accord, quand vous défilez dans la rue pour définir ce que c'est que la science, pour marcher pour les sciences et tout ça, ce que vous dites c'est... on est tout le temps dans le débat, on n'arrête pas de progresser, ce qui est vrai, ce qui est fondamentalement vrai, quand on est chercheur, on le sait, mais ça ne veut pas dire qu'on remet en permanence tout en cause. Et une théorie, c'est quelque chose, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est... j'ai une théorie, la Terre se réchauffe, ben moi j'ai une théorie alternative, elle se refroidit, et puis vas-y, on vote. Ce n'est pas ça. Une théorie, c'est quelque chose sur quoi on peut construire, on peut élaborer, on peut appuyer des hypothèses ensuite pour faire progresser la science. Et donc, c'est très important de rappeler ces notions-là à une période où, effectivement, vérité et post-vérité ont tendance à se mélanger un petit peu. Et donc, enfin, j'ai quelques liens là qui me servent de support. Si vous pensez sur les mots, par exemple, quelque chose qui est très frappant, c'est dans l'esprit de nos décideurs, enfin de pas mal de monde, un chercheur et un savant, c'est pareil. Et ce qu'ils veulent, c'est des savants. Et en fait, si on réfléchit sur les mots, c'est exactement l'inverse. Un savant, il sait, un chercheur, il cherche parce qu'il ne sait pas. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se définit quand on marche dans la rue, on se définit en disant on est en permanence en train de tout remettre en cause, etc. Donc on se définit comme des chercheurs, et en même temps, ce que veulent les décideurs selon ces besoins, c'est les savants. Et donc, voilà, l'intégrité est le catalyseur de la connaissance, c'est ça qui fait que la connaissance scientifique progresse. Un article scientifique peut être remis en cause, ça ne remet pas en cause tout ce qu'il y a derrière lui, mais tout ce qui va venir après. D'ailleurs, il y a une réflexion qui peut être intéressante sur le statut d'un article rétracté. Un article rétracté n'arrête pas d'exister. Concrètement, un article rétracté reste en ligne. Il a un DOI en général auquel il est associé très concrètement. Il reste en ligne. Il peut continuer à faire partie. Et heureusement d'ailleurs pour les gens qui travaillent sur la rétractation des articles, qui font des sciences sociales sur la rétractation des articles, on peut continuer à citer les articles rétractés. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Voilà, donc ce besoin d'une science responsable, intègre, par rapport aux grands défis qui sont devant nous. Alors, il y a trois notions qui ont tendance à se mélanger un petit peu, c'est, et puis je ne sais pas si j'ai tout de suite la clé pour ça, mais c'est éthique, intégrité, déontologie. Et pour essayer de les définir un petit peu, parce que c'est, par exemple, le ministère de la Recherche vient de nommer un collège de déontologie. Il a été commenté en disant, comment ça se fait qu'il y a l'Office français de l'intégrité scientifique et le collège de déontologie, on nomme deux trucs. Non, c'est pas exactement le même champ, c'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes gens qui sont dedans. L'éthique en recherche, c'est en fait faire l'adéquation, tel que je le définis moi, c'est faire l'adéquation entre les grandes questions que posent les progrès de la science et leurs répercussions sociétales. La société et la science sont, et les sciences et technologies sont en permanence en train d'évoluer, et donc les questions d'adéquation des deux se posent en permanence, et elles doivent se poser dans des comités avec des gens qui prennent un certain recul sur tout ça. Typiquement, là-dedans, il y a des comités d'éthique dans lesquels il y a des philosophes qui sont capables de réfléchir sur la relation entre science et société, typiquement. Les mêmes questions peuvent se reposer. On vient de revoir les lois bioéthiques, par exemple, parce qu'elles avaient été éditées il y a quelques temps. Et ça mérite, parce qu'il y a des nouvelles technologies, la société elle-même évolue avec maintenant les mariages entre personnes de même sexe, par exemple, qui n'étaient pas de la même façon avant. Tout ça, c'était pas, la relation entre les personnes, ce n'était pas perçu pareil. Eh bien, on réfléchit sur comment ça s'est adéquat. C'est normal. La déontologie, c'est que travaille le collège de déontologie, les collèges de déontologie dans les différents ministères et dans les établissements, c'est la déontologie du fonctionnaire. Il y a le mot intégrité dans la loi, la loi Le Pors de 83 qui a été révisée en 2016, mais c'est l'intégrité de Elliot Ness. C'est le fonctionnaire exerce son activité de manière indépendante de ses propres intérêts, qui peuvent être des intérêts divers et variés. Il l'exerce avec impartialité, intégrité, probité. Et les référents pour ces questions-là, c'est plutôt des juristes, puisque c'est des articles de loi qui vont avec, c'est plutôt des juristes. D'ailleurs, le collège de déontologie est présidé par un conseiller d'État, quelqu'un qui, dans le reste de sa vie, est conseiller d'État. Ce n'est pas en tant que tel qui préside, mais ce n'est pas le conseiller d'État qui préside, mais c'est un conseiller d'État, donc une sorte de juriste en chef. Et l'intégrité scientifique, je ne devrais pas dire ça, parce qu'après j'arrive sur l'intégrité scientifique. Là, c'est les règles qui gouvernent la pratique de la recherche elle-même, avec une certaine dimension universelle, contrairement par exemple à l'éthique qui a une certaine dimension culturelle, une certaine dimension universelle. Le fait de faire des stats de telle façon, c'est pas qu'on soit chinois, martien ou européen, c'est les mêmes stats. Voilà. Une certaine dimension universelle. Éventuellement, il peut y avoir des différences d'une discipline à l'autre, parce que les approches ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, pour une même discipline, on est capable de... Voilà. Ça s'impose comme un code professionnel, et là, les référents sont plutôt des référents chercheurs, on est plutôt sur de la loi molle, plutôt des référents chercheurs. Alors ça peut être des comités du CNRS, ou ça peut être d'autres comités chercheurs, mais on est sur des référents chercheurs. Parce que pour savoir comment on charge un gel pour faire un Western Blot, c'est mieux... Alors, quand on dit ça à des juristes, ils disent « Oui, mais par exemple, pour parler d'assassinat en cour d'assises, il n'y a pas besoin d'être un assassin. » Ok. Et donc, sur cette base-là, l'intégrité scientifique, donc ça ne se réduit pas, je le disais tout à l'heure, à une absence de manquement à l'intégrité, à une absence de fraude. Les fraudes, c'est falsification, plagiat, fabrication de données, falsification de données, plagiat, c'est vraiment le cœur. Ça représente un tout petit nombre d'articles qui sont rétractés pour ces raisons-là. Et sans doute, enfin après, je dis sans doute alors qu'il y a un doute et qu'il y a une discussion en permanence parce que c'est très difficile à détecter, mais en tout cas, un tout petit nombre, un tout petit, une très, très infime minorité de la science. Par contre, les valeurs positives de l'intégrité, telles qu'elles sont définies par exemple dans le Code de conduite européen du chercheur, c'est honnêteté, fiabilité, respect, traçabilité. Et là, il y a une zone grise autour de la fraude pure et dure, on va dire, pure et dure, la fraude. Hein. Il y a une zone grise avec tout ce qui est référencement biaisé, mésusage statistique, j'utilise mal les stats parce que je suis nul en stats, mais je peux les utiliser mal parce que je suis un fraudeur et que j'ai envie de tirer mes résultats dans tel sens. Des méthodes non reproductibles, des archivages qui sont déficients, c'est pas forcément. Là, les institutions peuvent être importantes. Pour archiver les données, ben, il faut que les établissements mettent à disposition des archives. Aujourd'hui, c'est beaucoup des données numériques, etc. Saucissonnage des dossiers de publication pour faire 10 publications, là où j'aurais pu en faire juste 3. Donc là, on est un peu sur le publisher perish, en tout cas, on y vient. Embellissement des données qui peut aller. De choses assez légitimes, je choisis la plus belle expérience que j'ai faite vers, ben, je l'embellis un tout petit peu, ben, tant qu'à faire, je la falsifie un peu, puis après, ben, au point où j'en suis, je la fabrique. Signature abusive, il y a beaucoup de cas comme ça, où des gens sont auteurs, pas auteurs, j'ai oublié machin, j'ai en tout cas pas mis machin, machinette, machin, truc, voilà, la liste des auteurs, ah, j'ai oublié mes étudiants. Mais enfin, je suis chef, donc je dois être sur cet article, etc. Tout ça, c'est pas complètement intègre. Il y a des raisons pour lesquelles on est sur les publications en tant qu'auteur, et c'est pas juste parce qu'on est là. D'ailleurs, les établissements comme l'INSERM aujourd'hui et le CIRAD ont publié des guides de la loi Moll, enfin des guides de procédure sur. Qui mettre dans les auteurs de publication, comment définir ça, parce que ça aide toujours qu'il y ait des guides qui servent de lien commun pour les. Et ce n'est pas le comité du CNRS forcément qui va le faire. Et ça va souvent. C'est à côté, mais c'est souvent proche, en tout cas dans les manquements, de toutes les considérations éthiques, déontologiques, réglementaires. Tout ce qui est inconduite relationnelle. Et quand on est sur des situations particulières où on fait une investigation sur un cas de manquement à l'intégrité scientifique, pas très loin, il arrive qu'il y ait des manquements éthiques, des manquements déontologiques, des inconduites relationnelles, un petit peu de harcèlement, etc. Et donc c'est proche, mais c'est différent. Et c'est important de le garder différent et de le considérer comme différent, parce que sinon on mélange tout. Et on a déjà tendance à mélanger tout. Alors, la situation en France, je vais juste terminer sur ça rapidement. C'est un rapport qui a été commandité par le directeur général de la recherche et de l'innovation, je crois en 2007, qui a été rendu par Jean-Pierre Alix 3 ans plus tard, en septembre 2010, et qui a été oublié ensuite. C'est intéressant qu'il a été oublié parce que les personnes en poste au ministère ont changé, puis ensuite, visiblement, ils n'ont pas retrouvé le bon tiroir. En tout cas, c'est intéressant de constater factuellement que le DGRI de l'époque, le directeur général de la recherche et de l'innovation de l'époque, est aujourd'hui, après un parcours de dirigeant scientifique, vient de devenir président de l'INSERM. Et une des choses qu'il vient de déclarer, c'est en point 2 dans sa politique générale, c'est un point particulier sur l'intégrité scientifique. C'est intéressant parce que. Ça ne serait peut-être pas arrivé, même si l'INSERM a été pionnier dans le domaine, ça ne serait peut-être pas arrivé comme ça il y a quelques années, effectivement. Une charte, voyant qu'il n'y avait pas de suite au rapport Alix, un certain nombre de personnes appartenant à des institutions et qui travaillaient comme référent à l'intégrité scientifique ou proto-référent à l'intégrité scientifique, parce que ce n'était pas aussi normé à l'époque, se sont dit en 2014 à peu près. Bon, il faudrait qu'on fasse une charte nationale et qu'on la fasse signer par les établissements. Et donc, 8 établissements ont signé la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en janvier 2015. Je suis assez content que le mien en ait fait partie, l'INRA. Et j'étais le jour de la signature, j'étais dans la brochette, là, sur l'estrade, une brochette très masculine. Et donc, à l'époque, il y avait 8 signataires. Aujourd'hui, je crois que c'est 36 signataires de la charte. Donc, ça a augmenté et ça va encore augmenter. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est le monde universitaire rentrait dans le mouvement que Jean-Pierre Alix regrettait de ne pas avoir pu motiver. Et puis le réseau des référents d'intégrité scientifique était de 4 personnes, je crois, en janvier 2015, est aujourd'hui à 88. Et un événement important pour l'intégrité scientifique en France a été la nomination de Thierry Mandon au secrétariat d'État enseignement supérieur recherche. Et Thierry Mandon, il savait qu'il n'était pas là pour très longtemps parce qu'il est arrivé, je crois, un an et demi avant la fin de la mandature du président de la République et du gouvernement. Et donc, il a pris le sujet de l'intégrité scientifique que plusieurs de ses prédécesseurs n'avaient pas retrouvé le tiroir. Il a retrouvé le tiroir et il a dit, il a demandé à Pierre Corvol, donc vous allez voir bientôt, de lui faire un rapport sur la manière dont la charte, parce que c'est bien beau les chartes, mais la manière dont la charte était prise en charge par les établissements et comment le ministère pouvait aider cette manière. Et donc Pierre a fait ce rapport qu'il a rendu assez rapidement, en juin 2016, qui a conduit à une modification, par exemple, immédiatement, ou même un tout petit peu avant la remise du rapport, de l'arrêté sur les études doctorales, qui fait que maintenant les doctorants, pendant leurs études doctorales, doivent cocher à un moment donné une case « J'ai participé à un cours sur l'intégrité scientifique ». Sur l'éthique aussi, c'est très bien. Une circulaire du ministère, surtout vers les opérateurs de recherche, y compris le HCRS et l'ANR, disant les universités, vous allez faire comme ça, le HCRS, vous allez le mettre dans les critères d'évaluation, l'ANR, vous allez le mettre, etc. Et puis, recommandation numéro 16, la création de l'Office français de l'intégrité scientifique, que Thierry Mandon a lancé donc, avant la fin de son mandat, en mars 2017, sous forme à l'époque d'une coquille vide. Et puis, après la fin de son mandat, et puis il se trouvait que moi je suis terminé à la DG de l'INRA, ils m'ont demandé si je voulais m'occuper de le mettre en place. Et donc, c'est ce que j'ai fait depuis un an à peu près, un peu plus d'un an maintenant. Voilà. Je ne vais pas vous enquiquiner trop longtemps avec toutes ces histoires de tuyauterie et de plomberie, mais ce qui est important quand même de garder en tête, c'est que c'est à la fois quelque chose qui se met en place dans les établissements avec le réseau des référents qui se met en place et qui fonctionne d'une part à l'intérieur de chaque établissement et d'autre part en réseau. Et par exemple, le réseau des référents vient juste de rendre son premier, il y a un an, hein, voilà, son premier livrable, je ne sais pas comment dire, enfin il vient de publier un guide pour le recueil et le traitement des signalements relatifs à l'intégrité scientifique, qui finalement est un guide qui est disponible sur le site internet de l'Office, hcrs.fr/ofis, vous allez donc chercher les documents, etc., puis c'est en ligne. Sous licence CC BY et ça en fait c'est un guide à la fois pour les chercheurs pour dire comment ça se passe si j'observe quelque chose qui est particulier et donc qui je dois contacter, comment ça se passe, et à la fois pour les référents eux-mêmes et leur chef d'établissement sur comment ça se passe. Voilà. La mise en place de l'Office, elle a été depuis un an à peu près. Il est constitué actuellement du Conseil français de l'intégrité scientifique que je préside. On est 12, autant d'hommes que de femmes. Il y a un journaliste, donc des gens qui viennent d'horizons divers, disciplinaires et professionnels, puisqu'on a donc un journaliste. Il y a quelques personnes chenues qui ont un peu d'expérience, un ancien président d'université, etc. Des gens qui ont de l'expérience dans le domaine de l'intégrité scientifique. Une personne qui a été référente d'intégrité scientifique et tout ça. Et puis, on a voulu qu'il y ait aussi des chercheurs actifs, notamment actifs dans les domaines de sciences ouvertes et des sciences des données. Et on a aussi un jeune chercheur qui était doctorant quand il a été nommé. Et puis, les doctorants, vous savez comment c'est, on ne reste pas toute sa vie. Donc, ça s'est bien passé pour lui. Maintenant, il est docteur, mais il reste plus jeune que nous. Ça, c'est pour toujours. Et là, la première chose qu'on a fait au Conseil depuis qu'on a été nommé, c'est de travailler à une feuille de route à l'horizon 2020 pour prolonger le rapport Corvol qui nous servait de feuille de route en fait pendant les premières années. Feuille de route sur laquelle on a 18 actions de court, moyen, long terme, 6 grandes familles, pour un changement des pratiques et une appropriation culturelle. Les grandes familles d'actions, c'est harmoniser les procédures entre les établissements parce que le fonctionnement de la recherche et d'enseignement supérieur en France, la recherche notamment, c'est un fonctionnement beaucoup en mixité, enfin en France puis ailleurs d'ailleurs aussi, hein, sur un article scientifique, typiquement vous avez des gens d'origine diverse, et ce n'est pas tous des collègues du même laboratoire, ça, c'est des choses qui ont changé. Et puis ben, là, le dispositif français, souvent, c'est des unités mixtes de recherche. Dans les unités mixtes de recherche, quand il y a une question qu'il faut traiter, ou quand il y a une question, y compris de culture, qu'il faut apporter en positif, ben, c'est bien que les établissements travaillent ensemble. C'est même indispensable. Mutualiser les retours d'expérience, parce que en fait, le constat, c'est que les chefs d'établissement, notamment les petits établissements, ils sont très pris au dépourvu, en fait, très, très démunis devant les choses qui pourraient, pour eux, restent exceptionnelles, et en plus, en jeu, etc., donc ils peuvent éventuellement pas être à l'aise, mais pour eux, restent exceptionnels, et donc, oui, mais j'ai jamais traité un truc comme ça. Pourquoi tu dis les petits? Parce que les petits, c'est encore plus. Parce que quand tu es chef d'un tout petit établissement, d'une école, par exemple... Tu crois que le CNRS, ils étaient... Ah, mais je parle pas du CNRS, c'est encore pire pour les petits. Voilà. Plus tu es petit, non, c'est statistique. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Bah, on verra tout à l'heure. Je parle juste de statistiques. Un gros machin comme le CNRS, il n'était pas plus prêt quand les choses nous sont arrivées que c'est la plus petite université. Je vais rassurer un peu. Mais après, statistiquement, il restera que le CNRS va acquérir, maintenant que ça a démarré quand même, va acquérir plus vite de l'expérience qu'une école plus petite où il y a quelques dizaines de personnes. Un troisième axe qui est former à l'intégrité scientifique, un quatrième axe qui est promouvoir les valeurs, enfin en parler, faire un code com, parler de l'intégrité scientifique, deux axes un peu transversaux qui sont super importants, c'est promouvoir un environnement propice à la science intègre. Donc là on est sur publish or perish, quels sont les critères d'évaluation qui favorisent ou favorisent pas la science intègre. Comment doivent fonctionner les collectifs, comment doivent fonctionner notamment les commissions d'évaluation par les pairs, comment devrait, voilà, en même temps, après, on n'est pas prescripteur. Hein. Et le dernier, c'est intégrer les enjeux de la science ouverte, les opportunités, les risques qui sont liés à l'ouverture de la science. Le plan national pour la science ouverte du ministère affirme que la science ouverte constitue un levier pour l'intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science, sans doute. D'abord, ce qu'il me dit, c'est que c'est vrai. Mais par contre, on peut quand même avoir un niveau de réflexion 2 en disant, puis si ça permet de faire des nouveaux. Enfin, après, ça, voilà, la créativité humaine est grande, et par conséquent, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des nouvelles fraudes qui puissent apparaître dans ces conditions-là. Et par exemple, aussi, tout simplement, si on réutilise des données de la recherche qui sont produites, qui sont disponibles sur des serveurs, ben comment est-ce qu'on s'assure que ces données, sans passer forcément par un critère de qualification ISO, mais n'empêche, comment on s'assure que ces données, je peux baser un petit peu de confiance dessus et lancer une équipe avec des étudiants qui vont faire des thèses et tout ça, pour pas m'apercevoir à mi-chemin que ben, j'aurais pas dû, parce qu'elles étaient moisies. Voilà. Et dans le plan national sciences ouvertes, ce qui est intéressant, c'est justement sur les pratiques, c'est... Ce qui est mentionné à un moment, c'est généraliser les pratiques quotidiennes de la science ouverte, notamment dans le domaine des publications, des données, de la propriété intellectuelle et de l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs est quelque chose de vraiment essentiel. Ne permettrait pas en général, en règle générale, quand vous voyez un article qui est discuté, l'évaluation par les pairs, alors que pire, Boris va dire tout à l'heure l'inverse, mais c'est vraiment une catégorie d'articles particuliers qui est pointé sur PubPeer. Faut pas le dire, faut pas que ça sorte d'ici, mais c'est très facile de faire des fraudes qui... Non, bien sûr que si. Mais c'est très facile de faire des fraudes qui ne se voient absolument pas, qui passent absolument inaperçues pour les évaluateurs. Donc l'évaluation par les pairs ne peut pas être considérée comme une protection contre la... Si, bien sûr, pour les trucs les plus gros, mais ne peut pas être... Le Celacanth d'Indonésie, etc., c'est l'évaluation par les pairs qui l'a fait sortir. Mais ne peut pas être considéré. Et même le système d'évaluation par les pairs, qui est actuellement extrêmement cloisonné entre les journaux, regardez, je vais me mettre 3 minutes dans la. 1 minute dans. Puis après, faut que je finisse. Il faut préciser sur le Celacanth d'Indonésie, parce que ça me paraît. Ah, ben c'est pourtant très joli. 4 minutes. Un Celacanth a été trouvé en Indonésie par un postdoc de biologie marine dans les années 90, par là. Un postdoc de biologie marine qui était en lune de miel, il est sur le marché avec sa bien-aimée, et ils sont tous les deux postdocs d'ailleurs, mais c'est lui qui a fait sortir le truc. Et tac, il voit un énorme poisson, il le prend, il suppose poisson, lui c'était les coraux, c'est pas les poissons, il prend en photo, et puis il finit sa lune de miel, tout se passe bien, il l'achète pas parce que le poisson il fait quand même 200 kilos, un truc comme ça, enfin gros, 80 kilos, et puis dans la petite chambre d'hôtel, c'était pas super commun, ça. Et donc il revient à son labo en Californie, et il montre à son chef, il dit, mais t'as pas vu ça en Indonésie quand même, c'est un sélacanthe, ça, et ça. Et donc, donc il retourne faire son postdoc en Indonésie, et puis ben, il passe une partie conséquente de son temps à ne pas faire des coraux, mais à faire à voir tous les pêcheurs, y compris le pêcheur qu'il avait vu la première fois et tout. Et il retrouve des sélacanthes. Il prend une photo du sélacanthe, le premier sélacanthe vivant qu'ils arrivent à remonter, donc des photos et du film même. Et puis il publie dans Nature la photo du sélacanthe. Et puis un petit peu après, il y a une équipe de chercheurs qui publie le sélacanthe part au muséum de l'Indonésie et qui publie un bout de séquence de ce sélacanthe pour le positionner par rapport au sélacanthe des Maurices, là, des Comores. Et c'est une autre espèce, enfin, tout ça, le truc. Et puis là-dessus, ce groupe de chercheurs, il y en a un qui dit, non mais en fait, il y a un local qui leur dit, mais en fait, des sélacanthes comme ça, on en voit depuis longtemps, tenez, j'en ai même une photo, il leur passe une photo, qu'ils veulent publier dans Nature. Et là, c'est l'éditeur, c'est même pas l'évaluation par les pairs, l'éditeur de Nature, une photo où il y a un sélacanthe posé sur un étal de poissonnerie. Et il dit, non mais, foutez-nous ou quoi ? C'était la photo du premier papier publié dans Nature un an avant, qui était détouré, qui était posé sur un étal de poissonnerie. Voilà. Donc de temps en temps, ça marche, l'évaluation par les pairs. Et il y avait une photo qui existait au monde, donc ils ne sont pas pu en prendre une autre, ils ont pris celle-là, il faut quand même le faire. Et bon, bref. Donc l'évaluation par les pairs, ça marche parfois, mais ce que je voulais dire, c'est que si vous soumettez un article un journal, la façon dont c'est géré aujourd'hui en confidentialité intégrale, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, la façon dont c'est géré en confidentialité intégrale, si vous soumettez un article frauduleux, il va revenir, soit ils s'aperçoivent par les rapporteurs et l'éditeur, et c'est là, ben, gagné, soit ils s'en aperçoivent, et à ce moment-là, il va revenir, vous allez vous faire traiter de tous les noms, bon, voilà, c'est pas très agréable sur le moment. Rien ne vous empêche de déposer le même article à un deuxième journal. Puis au bout d'un moment, ça finira bien par passer. Le fait que ce soit cloisonné comme ça, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à des systèmes, d'après moi, des systèmes où on décloisonne, où on utilise des préprints un petit peu plus, et on décloisonne disons, les processus éditoriaux qui aujourd'hui, outre qu'ils coûtent très cher, sont un peu trop cloisonnés. L'évaluation, il faut revoir tout ça, il faut revoir la façon de publier. Ce n'est pas uniquement publisher perish, c'est-à-dire le nombre de publications qui est derrière ce truc-là. Publisher perish, évidemment, un chercheur qui ne publie pas, il est mort le lendemain, mais il compte plus parce que le fait que publier, c'est la manière qu'on a de rendre le... C'est une évidence. Et par ailleurs, sur publisher perish, je pense que notamment en France, où on a des carrières longues, on est moins soumis qu'ailleurs à cette contrainte du nombre. Des carrières longues, et puis si on y pense bien, parfois un peu monotone, ce qui peut arriver à un maître de conf ou à un chargé de recherche qui vient d'être recruté, normalement c'est d'être une fois professeur ou directeur de recherche toute sa vie. Il ne faut pas en attendre beaucoup plus. La notion de carrière dans les chercheurs, ce n'est pas vraiment un truc, je crois, qui est le moteur principal de leur motivation. Et puis par ailleurs, ben, juste pour finir, parce que je parle trop, les critères intégrité, puis ce n'est pas pour moi que vous êtes venu, les critères intégrité, y compris San Francisco Dora qui dit que les facteurs d'impact ne doivent pas être utilisés comme un proxy de la qualité d'une recherche ou d'un chercheur ou d'un collectif de recherche. San Francisco Declaration and Research Assessment qui est signé maintenant par la plupart des établissements. Donc les critères d'intégrité sont soulignés par les établissements, par les agences d'évaluation, par les agences de financement, sont rendus concrètes dans leur politique et dans les critères d'évaluation du HCRS pour les unités de recherche, pour les formations, pour les sites, etc. Il y a les critères aujourd'hui qui concernent l'intégrité, le fait d'avoir une politique d'intégrité scientifique, par exemple. L'ANR en tient compte aussi maintenant dans les demandes de financement. Ce qui est vraiment en retard, je trouve, je vais finir sur ça, ce qui est vraiment en retard, c'est depuis le temps que je dis que je vais finir. Ce qui est vraiment en retard, c'est l'évaluation par les pairs et sur quoi il faut qu'on progresse sans doute, c'est collectivement, tous un petit peu, remonter un petit peu le niveau collectif, parce que c'est ça qui permettra d'avoir un meilleur système de détection, des systèmes, en gros sortir d'un système où on est, où on est aujourd'hui, Olivier en parlera sans doute, un système où on est aujourd'hui sur une sorte de justice de Far West, et il faut qu'on arrive à en sortir, je l'avais déjà dit, puis ça a été écrit par un d'entre vous, en sortir et se mettre dans un système de justice d'État de droit. Et pour ça, personnellement, je pense que les institutions peuvent faire quelque chose, et notamment parce que je crois qu'elles représentent, mais ça c'est peut-être une vision du monde qui est un peu différente, je crois que fondamentalement les institutions représentent les chercheurs qu'elles hébergent. Merci. Est-ce qu'on prend deux questions? Je vous demanderai juste de bien vouloir vous présenter si vous avez des questions. Ou des réactions. Donc, Jacques Caillet, je suis prof retraité de Strasbourg, de l'Université de Strasbourg, depuis peu. Moi, par rapport à ce que tu as dit, Olivier, je rebondis ce qu'a dit Bruno. C'est-à-dire, ce que tu décris, c'est avec les guides, c'est l'apparition d'une hyperinflation des normes qui, d'une certaine manière, rentre dans ce qui a été dit au départ, c'est-à-dire une politique qualité, la mise en place d'une politique qualité-recherche. Ça s'oppose, d'une certaine manière, à maintenir une certaine diversité dans la communauté, y compris en termes de pensée, etc., qui permettent ce que Bruno aussi soulignait avec le concept de disputatio pour arriver en fait à faire progresser une science indépendamment de son niveau de valorisation et de son expertise sociale. Et donc par rapport à ça, qui est déjà en fait une première partie de l'écosystème scientifique, tu as l'air de te mettre en fait en héros de la normalisation des guides, etc. Non, premièrement, je me mets rarement en héros de quoi que ce soit, mais bon, ça c'est personnel, et puis c'est, voilà, mais non, et quoi qu'il arrive, la norme, elle est attendue des chercheurs. Et donc ensuite, il y a deux façons pour qu'elle arrive, soit elle arrive avec leur collaboration, et c'est eux qui contribuent à écrire ces normes et à les écrire sous forme d'une loi molle. C'est ma vision, hein. À les écrire sous forme d'une loi molle, effectivement, avec des guides, avec des formations quand on est étudiant, où on parle, parler du sujet tout simplement, en faire un petit peu un sujet de culture partagée. Voilà, hein. Soit ça arrive comme ça, soit ça arrive par l'extérieur. Et à ce moment-là, ce sera des juristes qui te diront, des avocats qui te diront la manière dont tu dois faire ton travail, et des avocats, des journalistes, etc., qui te diront la manière dont tu dois faire ton travail. Et on peut penser, enfin ma vision du monde, et une fois de plus, c'est surtout pas péjoratif pour les avocats, les journalistes et tout ça. Hein. S'il y a un journaliste dans le Conseil de l'intégrité scientifique, c'est que et une personne qui est par ailleurs exerce la profession d'avocate en plus de ce, là, c'est bien que je crois justement qu'il faut qu'il soit là quand même autour de la table, mais les chercheurs doivent à un moment donné contribuer à ça. Parce qu'il y a un travail de débroussaillage de l'activité qui relève quand même d'une pratique métier, d'une approche métier. Et on est un peu différent de ce que je disais tout à l'heure sur les assassins et les cours d'assises. Il n'y a pas besoin d'être assassin pour être dans une cour d'assises, mais pour parler de la manière de faire de la science, c'est quand même pas mal d'être scientifique. Jean-Marie Lamalière, je suis le secrétaire de la section SNC de Sorbonne Université, donc c'est la Réunion par laquelle il y a pas mal de biologie ce matin. Diversité. Alors, je veux dire, je me perds un peu dans les acronymes entre les offices, COFIS, Français d'intégrité et autres autorités. J'en ai pas prononcé parce que j'y fais attention normalement. Non, mais non. J'ai fait du Sorbonne. On voit beaucoup de choses. On avait vu dans la. Dans les réseaux sociaux, dans la presse, une lettre de Sylvie Stuet qui était dans ce. Il est dans le c'est lui, journal. Votre conseil que vous présidez. Lettre qui était quand même assez écrite, bien argumentée. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur. Moi, je me souviens par exemple de la dernière phrase qui disait donc, très bien de demander la rétractation des articles de Douanet, mais alors à ce moment-là, il faut aussi demander l'interprétation des articles de Vincent Portillo et de gens qui sont comme ça, des négationnistes climatiques. Mais il y avait pas que ça, c'était la dernière phrase qui m'est restée. Toutes les choses très, très, très argumentées et qui posaient quand même le problème de votre Oui, donc c'est la question, pas parce qu'il l'a écrit, parce que ça l'engage, il l'a écrit et signé, donc voilà, ça l'engage, pas parce qu'il l'a écrit, mais parce que effectivement, en tant que membre de l'office, du conseil de l'office, c'est une question qui m'a été posée assez fréquemment. Et alors, il le dit, peut-être qu'il aurait dû le dire plus clairement, il n'écrit pas en tant que membre du conseil, il signale qu'il en fait partie, ça c'est honnête, il n'écrit pas en tant que membre du conseil de l'office, du COFIS, conseil français de l'intégrité scientifique, ça fait aussi conseil de l'office. Il n'écrit pas en tant que ça, pardon. Et d'ailleurs, si le conseil n'aurait pas écrit ça, s'il avait écrit un contenu, il n'aurait pas écrit ce contenu-là par ailleurs. Voilà. Et donc, il n'y a pas de solidarité ni dans un sens ni dans l'autre, et c'est normal. Le principe du conseil, c'est d'avoir des gens qui sont, je le disais tout à l'heure, qui sont des forces vives, y compris. Quand on demande à un jeune chercheur de venir, on ne demande pas d'arrêter d'être chercheur. On n'est pas un conseil de sages, je ne sais pas quoi. Comment on est appelé des fois, j'ai plus un conseil, un comité, enfin, peu importe. J'aime pas cette façon, donc je ne vais même pas la retrouver pour la répéter en plus. Et donc, c'est pas le cas. On est des forces vives de nos métiers. En ce moment, par exemple, vous m'avez un petit peu moins vu sur les réseaux sociaux ou sur ailleurs, parce que lundi, pour être précis, mercredi en fait, il y a une deadline de dépôt de projet européen et ça fait 2 mois que je travaille sur un projet européen que je coordonne et ça prend beaucoup de temps aux chercheurs de faire ça et donc j'ai une vie de chercheur. Voilà. Je fais ce travail pour l'office et Sylvestre de la même façon a une vie de journaliste et si j'avais voulu un journaliste spécialiste de la pêche aux moules, je pense que j'aurais été chercher au Phare de Ré. J'aime bien le Phare de Ré aussi, mes parents habitent là-bas. Et en fait, je voulais un journaliste qui s'occupe de questions scientifiques. Et effectivement, à ce moment-là, le risque qu'on prenait, c'était d'avoir un journaliste qui aurait à l'occasion à s'exprimer là-dessus. Voilà. Ça aurait été épouvantable pour moi, à titre personnel, si lui demander de venir et qu'il l'accepte, et si ça avait conduit au fait qu'il ne puisse plus s'exprimer et qu'il ne puisse plus faire son travail de journaliste. Si un comité Théodule, c'est ça, voilà. Si un comité Théodule de chercheurs arriver à faire taire un journaliste, personnellement, je trouverais ça épouvantable. Je voulais dire quelque chose, puisque vous faisiez référence à quelque chose qui me concerne moi, à la fin de ce bulletin, c'est de l'instruire. Je tiens à préciser que personne ne m'a jamais demandé de rétracter mes papiers. Personne. Et en l'occurrence, comme on parlait des institutions françaises, encore moins, je n'ai reçu aucune instruction de la part de mon institution tutelle. Jamais je n'ai reçu aucune instruction, recommandation de quelque nature que ce soit quand il s'agissait de faire évoluer les publications de mes cours. Les décisions, je les ai prises moi. Et c'est important. Donc Sylvestre Ruel, là, dans ce cas-là, a dit quelque chose qui ne s'est pas produit. On ne m'a jamais demandé de rétracter mes papiers. J'aurais bien aimé avoir un peu de feedback de mon institution. Ça aurait été intéressant d'avoir leur opinion plutôt que de me matraquer et de me donner aussi des indications sur ce qu'ils attendaient de moi. Et ça, ils ont oublié de le faire, apparemment. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Donc, l'ETH m'en a donné, puisqu'il y a eu une investigation à l'ETH. Forcément, c'est le résultat d'une investigation qui donne des recommandations. Mais à la fin, c'est au chef du labo, avec les éditeurs, de décider ce qu'il fait. Il donne des recommandations. Donc, on ne m'a pas dit quoi faire dans ce cadre-là en particulier, lorsqu'il met en cause une institution française. On n'a jamais demandé de faire comme ça. Je voudrais un droit de relance sur la question juste avant. Je vais essayer je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais enfin, je vais relancer. On s'attendait à ce qu'un office comme le tien dispose d'une auto-saisine et ta réponse est l'exact contraire, on a un devoir de réserve en tant qu'on est cette instance. Pourquoi il n'y a pas d'auto-saisine D'auto-saisine, tu veux dire? Eh bien, quand il y a une affaire dans l'espace public, des interpellations, ça sent... on s'attendrait à ce que notre rôle public soit cette auto-saisine au nom de l'espace public. Oui, alors ça rentre, je ne vois pas en quoi ça résonne avec la question précédente. Mais c'était dans le monde ville, c'était ça pour l'intervention. D'accord. Ben, si Sylvestre Huet s'exprimant en son nom et étant dans le comité, on trouve bizarre de l'extérieur que ça n'émerge pas par le comité dont on pense de loin que c'est le rôle. Ah ben non, alors parce que le comité n'allait pas parler sur les... On ne parle pas sur, et on ne parlera pas, ça fait pas très longtemps qu'on a du mal à parler, hein, vous le remarquerez. Voilà. Il n'y a pas de site web pour le moment, il y a un espace web, etc. On est en train de structurer tout ça. Et on n'a pas de présence sur les réseaux sociaux non plus. Alors aujourd'hui, si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'existe pas, ça ne nous empêche pas de travailler par derrière. Hein. Le comité est dû, qui se respecte. Et donc, la manière dont on travaille, c'est qu'on ne parlera pas, je pense, des situations individuelles et des dossiers individuels. Et donc, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on rend nos rapports, tous nos documents, y compris les comptes rendus de réunion, etc., ils sont publics sur notre site. Donc, ça arrive que quelqu'un qui lirait entre les lignes et qui pourrait se demander si c'est du lard ou du cochon, il puisse deviner. Mais on ne parlera pas on ne parle pas des situations individuelles et on n'en parlera pas. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre position. Et on s'auto-saisira, on s'auto-saisira pas dessus. Après, on s'auto-saisit sur d'autres questions. Quand on fait une feuille de route avec 6 points, etc., voilà les questions génériques. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez, non pas vous auto-saisir. Il faut vous présenter, David. Tout le monde vous connaît, mais. Oui, est-ce que vous, sans vous auto-saisir, est-ce que vous pouvez, sur un cas particulier, interpeller les employeurs de cette personne oui. pour leur demander ce qu'ils vont faire? C'est indiqué dans la feuille de route, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on va mettre en place encore plus. On le fait déjà aujourd'hui, mais sous une forme un peu officieuse. En fait. On s'assure que le référent à l'intégrité scientifique est bien sur le coup et tout ça. Éventuellement, on met le référent en lien avec les personnes qui nous contactent. En tout cas, on recommande aux personnes de se mettre en lien avec le référent. On ne les met pas en lien directement, on ne fait pas l'intermédiaire, mais on recommande aux personnes qui nous contactent. Il y en a forcément, hein, on ne peut pas empêcher aux gens d'écrire, y compris s'ils ne savent pas qu'on ne traite pas les cas individuels. Donc, ça arrive qu'ils nous écrivent. À ce moment-là, on les envoie vers le référent. Ils nous répondent des fois, il n'y a pas de référent, alors on les renvoie vers le président. Merci. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'intervenant suivant, Thibault Le Texier, mais avant de l'écouter, s'il y a des personnes qui veulent aller un peu mieux s'installer, il reste quelques chaises libres par ici. Un tout petit peu de temps. Non, tout le monde est bien installé. Bon. Dans ce cas, on va revenir un peu au